explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies et, au mépris du danger, avancer vers l'inconnu. L'Océanie, Bora Bora les Vainés, tu connais ? Vous avez croyé que j'ai pu regarder les paysages par le hublot ? Sur France Inter, j'ai des envies de voyage. Le temps d'un bivouac ! Le temps d'un bivouac. J'ai fait prêt. Daniel Fievé. Il a fait plonger ses lecteurs au plus profond des océans, n'a pas hésité à catapulter ses héros sur la Lune plus d'un siècle avant que l'homme n'y pose réellement le pied. Il a imaginé d'incroyables excursions souterraines jusqu'au centre de la Terre. Jules Verne, avec ses romans, a fait rêver des générations de lecteurs et a suscité bien des vocations d'explorateurs. Pas seulement en France, avec plus de 4700 traductions, il est l'auteur de langue française le plus traduit dans le monde. Si ses romans rencontrent encore aujourd'hui un tel succès, c'est qu'il s'adresse à une caractéristique universellement partagée par notre espèce. La curiosité, le goût de l'aventure, l'envie d'aller toujours un peu plus loin, voir ce qu'il y a au-delà de l'horizon. Olivier Sosereau connaît sur le bout des doigts les 62 romans de cet auteur prolifique. Il a publié « Le monde illustré » de Jules Verne aux éditions Actes Sud. Aujourd'hui, nous vous proposons une nouvelle diffusion de notre bivouac avec Olivier Sosereau dans les mondes de Jules Verne. Eh bien, messieurs, êtes-vous prêt à remonter sur mon aéronef Jupiter ? J'ai un rendez-vous urgent, monsieur. Ah, oh, voilà qui est dommage. Sir Henry, maintenant que mon ballon a montré ses qualités, puis-je compter sur l'appui financier de l'Institut Royal de Géographie pour exécuter mon projet ? Votre projet, monsieur, est une pure divagation. Explorer l'Afrique orientale dans cette imbécilité, cette ineptie ? Imbécilité ! Je connais l'Afrique. Ni vous, ni votre jouet ne tiendrez une semaine. Comment osez-vous traiter le chef-d'œuvre de Ferguson de jouet ? Le chef-d'œuvre, la folie de Ferguson ! Vous passez les bornes. J'irai même plus loin. En tant que président de l'Institut Royal de Géographie, je ne vous accorderai pas un penny pour ce projet complètement absurde. Un extrait de 5 semaines en ballon, film tiré du premier roman de Jules Verne. C'est le premier roman, hein, publié en 1863. Mais beaucoup des ingrédients qui feront le succès de cet auteur sont déjà présents dans ce roman-là, Olivier Sosereau. Oui, il y a la géographie qui va être une passion véritable pour Jules Verne. Ouais. La science, Jules Verne, avec 5 semaines en ballon, va inventer un nouveau genre littéraire. Tout comme Alexandre Dumas avait créé le genre du roman historique, eh bien, Jules Verne crée le roman de la science. Mm-hmm. Zola dira plus tard de Jules Verne que Monsieur Jules Verne mettait la science en drame. Ouais. Et la grande force de Jules Verne, c'est qu'il va effectivement se documenter d'une manière absolument exceptionnelle. Aujourd'hui, il utiliserait probablement Google et puis Gallica et tous les réseaux et toutes les informations qu'il peut trouver sur numérique. Mais il faut imaginer qu'à l'époque de Jules Verne, c'est un rat de bibliothèque. Il va éplucher tous les récits d'explorateurs. Et c'est d'une telle précision que cet ouvrage, pour certains, eh bien, on se pose la question, mais s'agit-il d'un roman ou du véritable récit d'un voyage réalisé par de véritables explorateurs ? C'est ça, on a l'impression qu'il y est allé, hein, très souvent. C'est quoi l'intrigue de ce roman, 5 semaines en ballon, dans les grandes lignes ? 5 semaines en ballon, dans les grandes lignes, on a entendu parler du docteur Ferguson, c'est un Anglais, beaucoup de personnages chez Jules Verne sont Anglais, un peu fous, beaucoup d'Anglais chez Jules Verne sont un peu fous, et qui, accompagnés de deux comparses, Dick et Joe, vont traverser toute l'Afrique de Zanzibar, de la partie donc orientale jusqu'à la partie occidentale, en finalement 5 semaines. Mmh. Avec un ballon un petit peu spécial, il n'y a pas une invention, on va dire, technologique considérable, c'est une sorte de mélange de ballons à hydrogène et de ballons à air chaud, et qui doit permettre ainsi de tenir pendant plusieurs semaines, tout en se posant néanmoins au fur et à mesure de l'aventure. Et un des objectifs de ce voyage est de découvrir les fameuses sources secrètes et sacrées du Nil, qui est un objet, au moment même où Jules Verne écrit le roman, qui est d'une actualité extrêmement forte. On ressent bien ici sa passion pour la géographie. Lui-même le disait, hein, sa matière préférée à l'école, c'était la géographie. Parfois, on le qualifie d'auteur de science-fiction. Lui ne se voyait pas comme ça. Il avait envie de faire partager son amour pour la géographie. Ah oui, lorsqu'il est interviewé, notamment une fois, par un journaliste qui lui parle de la science, de sa passion pour la science, Jules Verne dit « Oh non, la science ne m'emballe pas. La géographie l'hydrographie. Oui, ça. Les machines, la machine à vapeur. Il peut contempler une machine à vapeur pendant des heures comme il pourrait contempler un tableau de Raphaël, effectivement. Ouais. Et une chose assez extraordinaire de 5 semaines en ballon, c'est qu'une des conséquences pratiques dans sa vie personnelle et professionnelle, c'est qu'il va être élu membre de la Société de géographie de Paris. Mmh. Alors que généralement, ce sont des explorateurs, des aventuriers qui avaient ce privilège. Eh bien, la publication de ce roman fait qu'il va avoir le même statut, on va dire, qu'un géographe, qu'un explorateur des mondes de cette époque. Alors, 5 semaines en ballon, c'est le début d'une longue série. Hein. Jules Verne va travailler pendant 40 ans à ses voyages extraordinaires, 62 romans, 18 nouvelles. Le fil conducteur de tout ça. Le fil conducteur, il va véritablement être donné 3 ans plus tard. Hein. 5 semaines en ballon, comme vous l'avez dit, c'est 1863. De toute évidence, à l'époque, au moment où Jules Verne publie ce roman, c'est un coup d'essai. Jules Verne n'a pas probablement encore les idées claires pour la suite. Et ça a été sa rencontre avec l'éditeur Hetzel, le commencement du travail de voyage et aventure du capitaine Atterras, probablement les échanges avec son éditeur, et qui va donner naissance 3 ans plus tard à ce qui va devenir donc le cycle des voyages extraordinaires dans les mondes connus et inconnus, dont 5 semaines en ballon, rétroactivement parlant, devient le premier roman. Les voyages extraordinaires dans les mondes connus, eh bien, le premier roman qui porte véritablement ce titre, c'est Voyages et aventures du capitaine Atterras, qui est un roman polaire. Et il y a une introduction signée de Jules Verne et de Hetzel qui explique le projet qui va être d'entraîner tous ses lecteurs dans toutes les parties du monde, les profondeurs de la mer, les profondeurs de la terre, l'espace, etc., jusqu'aux limites des mondes connus et inconnus, et de raconter l'histoire de l'univers. Oui. Voilà le projet. Oui, et c'est un joli projet. Évidemment, on ne pouvait pas passer à côté. On note aussi une évolution. C'est-à-dire que si on prend 5 semaines en ballon, la vision qu'il donne de l'Afrique est assez empreinte des clichés de son époque, des visions de son époque. Donnez-nous quelques exemples de ces facilités qu'il va employer. Pas automatiquement des facilités, mais c'est effectivement le regard que l'on peut porter sur l'Afrique. Donc une grande partie est encore une terra incognita. C'est amusant de constater que Jules Verne commence ses aventures extraordinaires avec 5 semaines en ballon et va terminer avec le dernier roman des voyages extraordinaires qui va être fini d'écrire par son fils Michel. C'est l'étonnante aventure de la mission Barça qui se termine en Afrique. Donc la boucle est véritablement faite. Et on voit bien tout au long de son histoire combien la vision de l'Afrique va naturellement complètement évoluer. On a notamment un roman qui s'appelle Un capitaine de 15 ans, que Jules Verne écrit 15 ans plus tard, qui est peut-être le roman le plus autobiographique de Jules Verne. Non pas qu'il se met en scène, mais c'est sa passion de la mer. Jules Verne vient de s'acheter son plus beau yacht, le Saint-Michel III. Il réhabite Nantes, il est au sommet de sa gloire. Nantes, qui est le grand port négrier, malheureusement, dont on connaît l'histoire. Et son fils, ses problèmes avec son fils Michel. Et un capitaine de 15 ans, ce sont tous ces ingrédients de la passion de la mer, de la question de la traite négrière, de son problème avec son fils, où là, il va mettre en scène un héros de 15 ans qui va se retrouver dans une situation extraordinaire. Et vous avez proposé, on accepte avec grand plaisir, de nous lire un court texte de ce capitaine de 15 ans qu'il a écrit donc en 1870. Alors songez bien que ce texte est écrit donc à Nantes et toute la force que cela peut représenter en étant nantais. La traite. Personne n'ignore la signification de ce mot qui n'aurait jamais dû trouver place dans le langage humain. Ce trafic abominable, longtemps pratiqué au profit des nations européennes qui possédaient des colonies d'outre-mer, a été interdit depuis bien des années déjà. Cependant, il s'opère toujours sur une vaste échelle et principalement dans l'Afrique centrale. En plein 19e siècle, la signature de quelques États qui se disent chrétiens manque encore à l'acte d'abolition de l'esclavage. On pourrait croire que la traite ne se fait plus, que cet achat et cette vente de créatures humaines ont cessé. Il n'en est rien. Et c'est là ce qu'il faut que le lecteur sache, s'il veut s'intéresser plus intimement à la seconde partie de cette histoire. Il faut qu'il apprenne ce que sont actuellement encore ces chasses à l'homme qui menacent de dépeupler tout un continent pour l'entretien de quelques colonies à esclaves. Où et comment s'exécutent ces razzias barbares, ce qu'elles coûtent de sang, ce qu'elles provoquent d'incendies et de pillages, enfin, au profit de qui elles se font. Merci Olivier Sauzereau pour cette très belle lecture. On voit là à quel point Jules Verne est engagé. Pour son époque, là, il s'engage. Il s'engage, c'est un des points très très forts qu'on va retrouver dans plusieurs romans de Jules Verne où il y a véritablement une dénonciation de l'esclavagisme, ce qui est très fort en tant que Nantais, effectivement. Et puis, la question de l'émancipation des peuples, oui, qui est vraiment très très présente également dans son œuvre. Alors, d'où vient cette passion de Jules Verne pour le voyage et l'exploration du monde? Elle semble l'avoir habité très tôt, en tout cas, à en croire ce récit. Nous sommes à l'été 1839. Jules Verne a donc 11 ans et dans la maison familiale, l'heure est à l'inquiétude. Il est midi, mais personne ne songe à se mettre à table. Jules s'est volatilisé. Mathurine, qui élève l'enfant, l'a vu partir à 6h du matin, l'instant où elle ouvrait ses volets. Peut-être est-il allé se baigner dans la Loire qui coule en contrebas. Sophie Verne, la mère du disparu, sanglote. Mais cet enfant est mort, cet enfant s'est noyé comme se sont noyés il y a 3 ans sur la prairie de Mauves, ses cousins tronçons, pendant une chasse aux canards. Paul le cadet et les deux petites sœurs pleurent à chaudes larmes. Les minutes s'écoulent, dramatiques. Soudain, un marinier demeurant au passage d'eau de la Grenouillère arrive en courant. Je buvais mon muscadet matinal au cabaret de l'homme qui porte trois malices quand j'ai vu Monsieur Jules partir en canot. Mon Dieu, dans quelle direction? Dans la direction du trois mâts, la Coralie. Un long courrier? Oui, monsieur. Et qui a levé l'ancre peu après. Pour où? Pour les Indes. Les Indes? Oh, mon enfant. Sophie Verne s'évanouit. Pierre Verne se précipite vers l'omnibus à chevaux, puis, grâce au pyroscaphe, le bateau à vapeur à roues, il réussit à rejoindre la Coralie qui fait escale à Paimboeuf. Il monte à bord et récupère son fils, Jules, transformé en mousse et pas très fier. Enfin, Jules, pourquoi as-tu fait ça? À cause de Caroline. Caroline, ta cousine? Mais oui, papa. Jusqu'à présent, je lui glissais des fleurs des champs à travers les grilles et cette fois, j'avais décidé de lui rapporter un collier de corail. Olivier Sauzereau, c'est une légende familiale, cette histoire de fugue de Jules Verne à 11 ans pour un collier de corail? Alors, c'est une légende familiale de toute évidence assez tardive, puisque c'est la première biographe de Jules Verne, Madame Alotte de Laffut, personnage extrêmement sympathique, qui a écrit la première biographie dans les années, je crois, 1910 ou 1920, mais qui, malheureusement, ne citait pas ses sources et avait tendance un petit peu à enjoliver les choses. Mmh. Et tout d'un coup, cette histoire apparaît dans un de ses ouvrages, alors que ça n'y était pas, curieusement, dans les ouvrages précédents, ce qui laisse supposer tout de même que ce n'était pas une histoire qu'on racontait dans la famille. Et au jour d'aujourd'hui, on considère que c'est probablement une légende inventée par Madame Alotte de Laffut. Après, toute légende a un fond de vérité. Certains dans la famille Verne disent qu'en réalité, l'histoire, ce serait Paul Verne. Bon. Qu'en est-il? On ne sait. Toujours est-il que dans la légende, on dit que Jules, pour amadouer son père, aurait promis « Papa, je ne voyagerai plus que par le rêve et l'imagination ». Ah oui. C'est un peu trop beau quand même. C'est un peu trop beau, mais en tout cas, il va en faire voyager plus d'un par le rêve et l'imagination. Est-ce qu'il y a des romans de Jules Verne qui se passent en France? Je ne crois pas. Alors si, pas beaucoup, ouais. Effectivement. Il y en a un qui me vient tout de suite en tête, c'est Mirifique aventure de maître Antifère, qui ne se passe pas intégralement en France, mais dont une grande partie se passe à Saint-Malo, ouais. Avec l'histoire extraordinaire d'un maître caboteur en retraite, maître Antifère de Saint-Malo, qui a en sa possession une lettre léguée par son père, où il est dit qu'un extraordinaire trésor est caché sur une île, et seule la latitude de cette il est indiqué, mais un jour, un messager viendra du Caire pour donner la précieuse longitude. Nous partons à la découverte des mondes de Jules Verne, le temps d'un bivouac, en compagnie d'Olivier Sauzereau. Emmett, croyez-vous qu'un jour viendra où nous pourrons nous embarquer pour la Lune, comme nous voyageons à travers le pays en train? Sans nul doute. Remarquez, il faudra attendre 84 ans, et ce ne sera pas en train, mais en véhicule spatial, en capsule envoyée dans les airs par des fusées, des appareils qui produisent de gigantesques explosions, des explosions si puissantes qu'elles... Qu'elles suppriment tout effet de pesanteur et envoient le projectile dans la stratosphère. Emmett, j'ai lu ce livre comme vous. Vous m'avez cité un passage du livre de Jules Verne, De la Terre à la Lune. Vous avez lu Jules Verne? J'adore Jules Verne. Mais je l'adore aussi. 20 000 lieues sous les mers, le préféré de tous mes romans. Je l'ai lu pour la première fois quand j'étais tout petit. Je rêvais de rencontrer le capitaine Nemo. T'as guiné, oh. Mais... Tu penses à quoi? Aux rêves inutiles. Loin d'être sage, je songe comme un singe des villes. Tu penses à quoi? Ému par l'univers. Quand ma vie danse en transe aux bras de l'enfer. C'était Maasai, M, dans le temps d'un bivouac sur France Inter. Un étrange monde crépusculaire s'ouvrait devant moi. J'avais l'impression d'être le premier à poser le pied sur une autre planète, d'être un intrus dans le jardin murmurant des abîmes. Mais le capitaine Nemo et moi n'étions pas seuls. Il y avait là des chasseurs et des fermiers venus du sous-marin qui récoltaient leur provende au fond de la mer. Je ne pouvais que m'émerveiller devant l'habileté de cet homme qui, tel un conquérant, avait su imposer sa loi à ces domaines ignorés. 20 000 lieues sous les mers et le capitaine Nemo, l'un des plus célèbres romans de Jules Verne. Olivier Sauzereau, auteur de Le Monde illustré de Jules Verne aux éditions Actes Sud, spécialiste de Jules Verne, incollable, on l'entend depuis le début de cette émission sur l'œuvre de ce romancier. Vous nous resituez un petit peu l'histoire de 20 000 lieues sous les mers? Alors 20 000 lieues sous les mers, c'est effectivement un des romans avec le tour du monde en 80 jours, les plus extraordinaires de Jules Verne. Nous avons tout d'abord ce personnage, le professeur Aronnax, dont on peut remarquer lorsqu'on regarde les gravures du roman que c'est le portrait de Jules Verne. Ouais. Jules Verne sans la barbe, à ce moment-là, ce qui change beaucoup la physionomie du personnage. Et on a la preuve au jour d'aujourd'hui que c'est à partir d'une photo de Jules Verne que le croquis, que le portrait portrait du professeur Aronnax a été réalisé. Et le professeur Aronnax, avec deux amis de comparse, son aide conseil, et puis le hasard fait qu'il y a un harponneur, Ned Land, vont se retrouver dans une des plus incroyables aventures, en poursuivant ce qu'ils pensent être un monstre sous-marin qui crée une frayeur sous toutes les mers du monde. Ils vont se retrouver à l'intérieur d'une machine extraordinaire, un sous-marin avec son équipage et un personnage, le capitaine Nemo. Alors, c'est un roman, 20 milieux sous les mers, tout comme les romans lunaires, qui va donner une image de Jules Verne, de prophète de la science. Et aujourd'hui encore, beaucoup de personnes imaginent que Jules Verne a inventé le sous-marin. Mmh. Ce qui est totalement faux. Et ça n'enlève rien au génie de Jules Verne et au aspect extraordinaire de ce roman. Lorsque Jules Verne écrit 20 milieux sous les mers, on est en plein test déjà de sous-marins militaires. L'idée du sous-marin existe, on va dire, même depuis l'Antiquité avec Alexandre. Mais bon, dès la fin du XVIIIe siècle, on a déjà des tests. Il y a le Nautilus, et déjà un Nautilus qui existe au début du XIXe siècle. Même déjà. Le Nautilus, alors oui, il n'invente pas le nom le Nautilus. Non, le nom, il y a un nom qui existe déjà. Et Jules Verne en parle d'ailleurs dans son roman. Mais la force de Jules Verne, c'est que bien évidemment les sous-marins qui existent à l'époque de Jules Verne ne sont encore que des prototypes qui ne fonctionnent pas bien d'ailleurs. Il faudra attendre au moins une vingtaine d'années pour que véritablement des sous-marins opérationnels. Et la force de Jules Verne, grâce à la magie de la littérature, eh bien, va nous imaginer un sous-marin parfait. Un sous-marin fonctionnant d'une manière absolue. Et il va imaginer ce qui pourrait se passer avec une telle machine. Donc là, il y a une prouesse littéraire, artistique, qui mêle la science, la technique, où bien évidemment Jules Verne est flou sur l'énergie, l'électricité, de quoi est-elle produite? Bon, il y a une sorte d'incertitude. Naturellement, c'est le talent de l'artiste de laisser un certain flou par rapport à ça. Et puis, il y a ce personnage. Et puis, il y a Nemo. Il y a ce personnage, le capitaine Nemo, que vont rencontrer, du coup, le professeur Aronnax, dont vous parliez, qui est un petit peu donc ce Jules Verne, ce double de Jules Verne. Qui est le narrateur du roman. Qui est le narrateur du roman et qui rencontre le capitaine Nemo. Entrez, messieurs. Veuillez vous asseoir. Merci. Professeur, servez ces messieurs. On est en train de faire sécher vos vêtements, vous les aurez ce soir. Et maintenant, je vous prie d'user de ma très humble hospitalité. Très humble, qu'il a dit. Vous ne vous refusez pas grand-chose, patron. Appelez-moi Capitaine Nemo. Laissez-nous vous dire notre gratitude, capitaine. Vous nous avez sauvé la vie. Ne parlons donc pas de gratitude. Vous n'êtes qu'en liberté provisoire. Je ne vous conseille guère de chercher à vous échapper. Vous savez à quoi vous en tenir. Ça se discute. Les prisonniers ont bien le droit de s'évader, pas vrai? C'est très juste. Tandis qu'un invité ne l'a pas. C'est ce qui fait qu'on est un petit mélange des deux. C'est là, en effet, un heureux compromis, maître Land. Je ne tolère aucun hôte à bord du Nautilus et vous êtes considérés comme des prisonniers. Olivier Sauzereau vient de m'appâter pendant que l'on écoutait ce son en me disant « Je peux vous révéler le secret de Nemo ». Alors évidemment, je veux en faire profiter les auditeurs. C'est quoi le secret de Nemo ? Eh bien, dans la toute première version manuscrite de Jules Verne qu'il envoie à son éditeur, le capitaine du sous-marin Nautilus ne s'appelle pas Nemo. C'est un prince polonais, immensément riche, dont toute la famille a été massacrée d'une manière effroyable, femmes, enfants, par l'armée russe. Et seul rescapé de cette boucherie, le capitaine, ce prince, va utiliser ses talents d'ingénierie et sa fortune immense, et avec quelques compagnons épris de liberté, d'indépendance, eh bien, ils vont construire cette machine incroyable, le Nautilus, et quitter définitivement cette terre ingrate pour devenir maître des océans. Mais chaque fois qu'il voit un navire militaire russe sur sa route, c'est plus fort que lui, il le pulvérise. Lorsque l'éditeur Hetzel lit le manuscrit, il répond tout de suite à Jules Verne, vous êtes complètement toqué. Je vous rappelle que nous avons un marché éditorial avec les Russes, que vos romans s'y vendent très très bien. Vous allez me changer ça parce que là, on va créer une crise géopolitique. Oui, diplomatique et en tout cas. Diplomatique. Et Jules Verne essaye de tenir bon. Il y tient à son prince polonais. Et puis bon, il y a cette idée aussi de la Pologne auquel il tient beaucoup, cette émancipation des peuples, etc. Et puis finalement, c'est Jules Verne, qui va avoir l'idée par la contrainte éditoriale et en l'occurrence aussi commerciale et politique. Il va écrire à un moment donné, quelques semaines, peut-être même quelques mois plus tard, après avoir tenté de résister auprès de son éditeur, il va écrire à son éditeur « Il m'est venu une idée absolue. Je vais donner pour nom au capitaine du sous-marin Nautilus celui de Nemo. Personne, ce qui veut dire personne en latin. On ne connaît pas son histoire. Elle est terrible, elle est terrifiante. De toute évidence, on devine que sa famille a été massacrée. Par qui, comment, pourquoi, on ne sait. Il pulvérise des navires militaires sur sa route. Qui sont-ils? Quel en est le pavillon? On ne sait. C'est une idée extraordinaire, parce que lorsque nous lisons au jour d'aujourd'hui encore 20 000 lieues sous les mers, eh bien, on peut projeter toutes les situations, tous les contextes politiques sur le personnage de Nemo. Et certains commentateurs politiques, connaisseurs de Jules Verne, avaient d'ailleurs projeté l'idée lors du 11 septembre 2001, où on voyait ces avions traverser de manière effroyable les tours de New York. Eh bien, cette parallèle avec le sous-marin Nautilus qui traverse à un moment donné un navire avec ses grappes humaines qui se jettent dans la mer et qui meurent d'une manière effroyable. Mais ce capitaine Nemo, il a quelque chose d'assez effectivement misanthrope. Il ressemble pas tellement aux autres personnages de Jules Verne qui aiment la science, qui aiment la modernité, qui voient le monde futur meilleur. Lui a l'air très désabusé, même si son sous-marin est très technologique, on a l'impression qu'il en veut à la Terre entière. Ah, il en veut à la Terre entière. C'est un personnage, comme aurait pu dire Voltaire, c'est une pierre d'aimant. C'est-à-dire qu'il a un côté attirant, sublime, fascinant, et un côté totalement repoussant. En sachant qu'il y aura la rédemption, là aussi, du capitaine Nemo qui réapparaît, comme vous le savez, dans l'île mystérieuse, et ce n'est plus tout à fait le même capitaine Nemo, bien évidemment. Mais quand vous dites que c'est un personnage très différent des autres, ouais. Pas tout à fait. On retrouve cette complexité, effectivement, dans différents autres personnages. Je pense notamment à Robur le Conquérant, qui est un personnage... Alors remettez-nous Robur le Conquérant, on l'a peut-être moins en tête que Nemo. C'est un ingénieur encore plus fou, plus terrible que Nemo, encore avec un but moins précis, et qui est l'inventeur d'une machine volante, une sorte d'hélicoptère avant l'heure qu'il appelle l'Albatros, et avec le projet finalement de devenir maître du monde. Un personnage d'ailleurs qui réapparaît 20 ans plus tard dans un des derniers romans de Jules Verne qui s'appelle Maître du monde. Vous nous avez dit, Jules Verne, c'est un petit peu, le professeur Aronnax, c'est un petit peu le double de Jules Verne. Est-ce que Jules Verne est lui-même un voyageur, ou est-ce qu'il nous a fait tous voyager sans jamais bouger, lui, de son siège d'écrivain? La légende, là aussi, c'est plus à montrer un Jules Verne entraînant ses lecteurs dans toutes les parties du monde sans jamais lui-même quitter son cabinet d'écriture. C'est vrai pour les 20 dernières années de sa vie, effectivement, où Jules Verne est amiénois, il est dans la ville de sa femme, sa ville d'adoption, et c'est quelqu'un qui ne voyage plus. Mais avant 1886, eh bien, nous sommes face à un Jules Verne qui voyage, et qui voyage en particulier en tant que voileux, en tant que marin amateur, dans le sens noble du terme. C'est quelqu'un qui a la passion de la mer, au point qu'il va avoir 3 bateaux successifs. D'ailleurs, quand il publie 5 semaines en ballon, et puis qu'il a ses premiers succès avec Voyage au centre de la Terre et les 2-3 autres romans qui suivent, qu'est-ce que fait Jules Verne? Il n'achète pas un appartement ou une maison. Non, il investit dans un bateau. C'est son premier acte d'achat important. Il a une passion de la mer, et Jules Verne dit régulièrement qu'il a besoin de cela pour se secouer la cervelle. Mais ces bateaux sont aussi des cabinets d'écriture flottants. 20 000 lieues sous les mers est en partie écrit à bord de son premier bateau. Alors, c'est pas des voyages extraordinaires, mais bon, il sillonne toute la Méditerranée, les côtes de l'Afrique du Nord. Il fait aussi la traversée de l'Atlantique avec le Great Eastern aussi. Alors, il a une passion pour la mer et les océans. Il semble aussi avoir une obsession pour les volcans. Il ressurgissent à tout coin de romans, y compris dans 20 milieux sous les mers, grâce à un roman qu'il arrive à retrouver les vestiges, à observer les vestiges de l'Atlantide. Oui. Et puis, évidemment, dans un de ses romans, c'est un volcan islandais qui va servir de porte d'entrée pour un voyage incroyable. Mais où sommes-nous? C'est l'océan. C'est incroyable. On est retourné à la surface. Comment est-ce possible? Nous sommes descendus à la verticale, puis nous avons fait un angle de 45 degrés. Non. Nous sommes ici. Mais alors le ciel? Ce n'est pas le ciel. Cette lumière ne vient pas du soleil ni de la lune. C'est une sorte d'aurore boréale, un phénomène purement électrique. On Au-dessus de ces nuages, il y a une voûte de granit. Et au-dessus de cela? Une montagne. Et par-dessus, l'océan. Faut-il que cette voûte soit solide pour soutenir un tel poids? Dieu a utilisé des matériaux drôlement résistants. Nous sommes évidemment en train de voyager au centre de la Terre, Olivier Sauzereau. Là encore, une idée géniale de Jules Verne, qui invente un voyage. Souvent, il a été visionnaire. Là, il a été au-delà du visionnaire. J'allais le dire, là. C'est, je pense, le seul voyage qui n'a pas été réalisé. Ouais. Et on peut difficilement imaginer comment il peut être réalisé, d'ailleurs. C'est une idée extraordinaire, effectivement. C'est un très, très, très beau roman, un roman relativement court. C'est un roman que je conseille beaucoup, d'ailleurs, à des jeunes lecteurs, ou des moins jeunes, qui voudraient commencer à découvrir Jules Verne. On a une histoire d'amour, on a un voyage initiatique, le héros n'est pas celui que l'on croit, c'est ce jeune garçon finalement, Axel, qui va passer du statut de jeune garçon à celui d'homme, qui va lui permettre de demander la main de sa cousine Groben, qui l'a poussé d'ailleurs à suivre son oncle, le professeur Lidenbrock, dans ce projet totalement fou. Ouais. Mais l'idée de Jules Verne, c'est plus un voyage dans le temps, parce que plus il s'enfonce dans les couches terrestres, et plus il remonte le temps, il va à la découverte d'animaux qui ont disparu à la surface de la Terre. Vous l'avez très bien exprimé. C'est un roman que Haroun Tazieff n'aimait pas, si j'ai bien compris. Mais je pense que Haroun Tazieff, le grand vulcanologue, est passé à côté du roman. Je ne pense pas que dans l'esprit de Jules Verne, il y ait eu l'idée de décrire réellement ce qui devait exister dans les profondeurs de la Terre. Son idée est plus, effectivement, un voyage initiatique, un voyage dans le temps, puisque, comme le dit Axel, comme vous l'avez dit aussi, en descendant dans les profondeurs terrestres, eh bien, il découvre les différentes couches de stratification dont Axel, Jules Verne, dit qu'il s'agit en réalité des pages, des chapitres de l'histoire de notre monde que nous découvrons au fur et à mesure. Et au fur et à mesure que nous descendons, eh bien, nous remontons l'histoire du monde pour arriver finalement à l'histoire du premier homme qu'ils vont découvrir d'une certaine manière. Là aussi, on est dans une actualité aussi très intéressante par rapport aux découvertes qui se font à l'époque de Jules Verne, sachant qu'il y a deux versions de Voyage au centre de la Terre. Il y a la version en feuilleton et puis il y a la version en livre où il va rajouter un ou deux chapitres par rapport à des découvertes contemporaines de son époque. Ah oui, il fait des mises à jour C'est un cas particulier. Ouais. Mais en sachant qu'effectivement, il y a Jules Verne, quasiment tous les romans de Jules Verne sont publiés en feuilleton à l'époque, dans des grands journaux, dans des magazines. Et ensuite, il y a la forme éditoriale et il y a effectivement une transformation éventuellement du roman. Allez, suite de nos aventures dans les mondes de Jules Verne dans un instant. Et si on tentait un tour du monde en 80 jours? Vous écoutez Le Temps d'un bivouac sur France Inter. Arizona blues no more, Arizona rest no more. We want freedom to cross the borderline. Freedom's no crime, let peaceful river flow. Let the people come and go. We want freedom to cross, freedom to pass the everlast Arizona blue. Bloody, bloody border, no more. Sagging Arizona rest. Let peaceful river flow, let the people come and go. lost, freedom to pass, it's everlasting. Arizona blues, Arizona lose, no more. Arizona rest, no more. Maricopa blues, no more. Arizona blues, being suspicious, being searched, being detained, no more. Bloody, bloody border. Immigration laws, Arizona crows. No more. Bloody, bloody border. Immigration laws, Arizona crows. No more. Bloody, bloody border. Being suspicious. No more. Being detained. No more. Being searched. Being arrested. Bloody, bloody no more. Border. Bloody, bloody border. C'était Manu Chao sur France Inter. À vous, Flanagan. Eh bien, à mon humble avis, les circonstances ont joué en faveur du voleur. Si l'homme est aussi réellement habile que Fogg le dit, il trouvera bien des endroits pour se cacher. Oh oui, le monde est bien assez vaste. Eh oui. C'était vrai il y a plus d'un siècle. Aujourd'hui, on fait le tour du globe en 3 mois, messieurs. Précisons, on a un peu moins que cela, en 80 jours. Vous voulez dire qu'on peut faire le tour complet du monde en 80 jours? C'est bien ce que j'entends. Oh, il dit des insanités. Non, non, Fogg marque un point ici. Aux Indes, la péninsule Railway vient d'ouvrir il y a pas de 15 jours, une ligne qui raccourcit beaucoup le parcours. J'ai lu dans le Daily Telegraph. On le connaît, le Daily Telegraph. Je dis que c'est impossible. Non, rien n'est impossible. En admettant même qu'on ait des conditions idéales de transport, il reste malgré tout les typhons, les naufrages, tout ce qui peut causer un retard. Je tiens compte de l'après-midi. Ouais, tout ça est bien joli, Fogg, mais je serais curieux de vous voir faire ça en 80 jours. Vous êtes convaincu que j'échouerai? À tel point que je suis tout prêt ce soir à parier 5000 livres que vous échoueriez. Expliquons-nous sans détour, Stuart. Est-ce que vous me mettez solennellement au défi de faire le tour du monde en 80 jours? Oui, monsieur, et je suis même prêt à appuyer ma conviction par l'affichage de mon chèque aujourd'hui dans le hall. Écoutez, messieurs, j'ai en dépôt chez Baring Frères la somme de 20 000 livres sterling. Je suis prêt à la parier en entier au terme que nous venons de mentionner. À savoir que je peux effectuer le tour du monde en 80 jours. C'est-à-dire en 1920 heures, ou encore, messieurs, si l'on préfère, en 115 200 minutes. Et voici posé le défi lancé par le livre de Jules Verne, Le Tour du Monde en 80 jours. Olivier Sauzereau, là encore, il faut se remettre dans le contexte pour comprendre ce qu'il y a d'original. Là encore, il a su saisir de son époque ce qui devenait possible et qui ne l'était pas encore quelques décennies auparavant. Ça, c'est un coup de génie de Jules Verne. Le Tour du Monde en 80 jours correspond effectivement au développement des chemins de fer, des lignes transatlantiques, des nouveaux moyens de communication, à l'industrie qui se développe de plus en plus. Et Jules Verne va avoir cette idée extraordinaire, qui est une idée romanesque merveilleuse, qui semble-t-il, selon ce qu'il raconte, est née de la lecture d'un article de presse dans le journal. Et puis, la fin, que je ne révèle pas, si on n'a pas lu le roman, c'est dommage de la révéler, mais qui est un coup de théâtre extraordinaire. C'est le roman à plus grand succès de Jules Verne, de son vivant, ce sont 100 000 exemplaires, ce qui est un chiffre absolument considérable à l'époque de Jules Verne, et c'est un roman qui, au jour d'aujourd'hui encore, par ses adaptations cinématographiques, dont celle, je crois, qui a une dizaine d'années pour la dernière, est un roman encore immensément célèbre. Avec pour personnage principal, donc, Phileas Fogg, et là encore, c'est un extrait du Tour du Monde en 80 jours que vous nous lisez, Olivier Sauzereau. Phileas Fogg était de ces gens mathématiquement exacts qui, jamais pressés, toujours prêts, sont économes de leurs pas et de leurs mouvements. Il ne faisait pas une enjambée de trop, allant toujours par le plus court. Il ne perdait pas un regard au plafond. Il ne se permettait aucun geste superflu. On ne l'avait jamais vu ému ni troublé. C'était l'homme le moins hâté du monde, mais il arrivait toujours à temps. Toutefois, on comprendra qu'il vécut seul et, pour ainsi dire, en dehors de toute relation sociale. Il savait que dans la vie, il faut faire la part des frottements. Et comme les frottements retardent, il ne se frottait à personne. Voilà, encore un personnage singulier de Jules Verne. Alors, vous l'avez dit, on ne va pas révéler la fin du roman. Ce qu'on peut quand même dire, c'est que Phileas Fogg reviendra. Et il reviendra accompagné d'une femme. Donc, lui qui voulait se frotter à personne, il aura quand même appris un petit peu à se frotter au monde. Eh oui, une très belle histoire d'amour avec Mistress Aouda. Nous sommes à peu près dans le premier tiers du roman environ. Et il traverse les Indes. Et là, cette fameuse ligne de chemin de fer dont on entendait parler, ouais. En fait, là, il y a une mauvaise surprise, puisqu'ils sont obligés de traverser, le train n'existe pas encore, ils sont obligés de traverser donc les forêts indiennes à dos d'éléphants. Et là, ils vont se retrouver face à un sacrifice humain, où une jeune indienne doit être sacrifiée avec son époux Maharaja mort, et Phileas Fogg, eh bien, décide de consacrer quelques heures de son voyage pour sauver cette femme. Il a donc du cœur. Il a du cœur. Voilà. Malgré le chrono qui tourne, malgré et le défi chrono, et les sommes en jeu, il prend le quand temps qu'il faut. Quand j'ai le temps. Comme il dit face à cette remarque. La place des femmes dans l'œuvre de Jules Verne. Alors c'est une place qui évolue. On dit souvent de Jules Verne que les femmes sont inexistantes. C'est faux. Là aussi, on a des femmes chez Jules Verne et des sacrés bouts de femmes quand même, parce que on a des femmes voyageuses, des femmes qui vont vivre les aventures de leurs compagnons hommes. Pensons à Helena Campbell par exemple dans Le Rayon Vert, qui est l'héroïne principale de ce roman absolument merveilleux. Cette jeune femme qui ne veut pas se marier, ou tout au moins choisir son mari, voilà, et qui trouve comme stratagème qu'elle ne songera à se marier que lorsqu'elle aura vu le rayon vert, ce phénomène astronomique optique, voilà. Mais on a d'autres personnages absolument extraordinaires, également féminins, qui vont vivre des aventures absolument merveilleuses, et certaines femmes, je pense notamment au pays des fourrures, qui sont de véritables exploratrices, qui ne sont pas là pour faire joli, et qui sont vraiment des aventurières, des exploratrices absolument remarquables. Ouais. On le voit avec ce tour du monde en 80 jours, souvent dans les intrigues de Jules Verne, il y a une contrainte, il y a une façon de voyager, soit un temps restreint, soit un lieu précis, un fuseau horaire à suivre ou une latitude particulière. C'est ce qui fait un peu le sel de ces voyages verniens. Et vous, Olivier Sauzereau, vous avez vous-même eu envie de goûter à ces voyages sous contrainte vernienne. C'est un voyage que vous racontez dans un livre paru chez Belin, Voyage vers le soleil noir. C'est un voyage typiquement vernien que vous avez fait. Oui, tout à fait. Le voyage vers le soleil noir est un voyage que j'ai réalisé en 2008, que j'ai mis 2 ans à préparer et dont l'objectif était de partir en train de ma ville natale, Nantes, mais aussi ville natale de Jules Verne, et de traverser toute l'Europe, la Biélorussie, la Russie, une partie de la Sibérie, de faire 7000 km de train pour aller observer 2 minutes et 18 secondes d'éclipse totale de soleil. Mais un parcours initiatique, là aussi, où j'avais des rendez-vous avec des historiens des sciences, des astronomes, pour faire découvrir l'importance des éclipses dans notre regard sur le monde. Et vous êtes arrivé à temps pour observer cette éclipse en prenant uniquement le train et les uniquement trajets. Uniquement le train, et je suis arrivé à temps pour une magnifique éclipse. Allez, dans un instant, on se catapulte sur la Lune pour finir notre tour des mondes de Jules Verne. Vous écoutez France Inter, le temps d'un bivouac. Chanson, toi qui ne veux rien. Toi qui me parles d'elle, et toi qui me dis tout. Oh, toi que nous dansions ensemble. Toi qui me parlais d'elle, d'elle qui te chantait. Toi qui me parles d'elle, de son nom oublié, de son corps de de cet amour-là, de cet amour mort. Chanson de ma terre lointaine, toi qui parleras d'elle, maintenant disparu. Toi qui me parles d'elle, de son corps effacé. de ce désir-là, de ce désir-mort. Chanson, toi qui ne veux qui me parle d'elle, et toi qui me dis tout, et toi qui me dis tout. India Song, c'était Jeanne Moreau sur France Inter. À l'intérieur de la lune, la grotte aux champignons géants. Mais la lune est habitée par les sélénites. Prisonniers du roi de la lune, le roi des sélénites, nos courageux héros vont-ils parvenir à s'échapper ? Adaptation radiophonique du film de Méliès, Le Voyage dans la Lune, lui-même inspiré des livres de Jules Verne. Alors il y avait De la Terre à la Lune et Autour de la Lune, c'est-à-dire que Jules Verne a plusieurs fois imaginé d'envoyer ses héros sur la Lune. C'est la même histoire, ouais, qui se suit. Comment il les propulse sur la Lune ? Très rapidement, la force de Jules Verne par rapport à tous ses prédécesseurs, c'est qu'il n'est pas le premier à imaginer un voyage vers la Lune. Là aussi, on pourrait remonter très très loin, citons Cyrano de Bergerac, mais aussi différents auteurs voilà, qui ont imaginé un voyage vers la Lune, Francis Godwin au XVIIe siècle, etc. Mais la force de Jules Verne, c'est qu'il va tenter de rendre cela crédible. Évidemment, aujourd'hui, ça peut nous faire sourire parce qu'il utilise un canon, plutôt d'ailleurs un mortier, par une puissance extraordinaire, va être capable d'envoyer un boulet sur la Lune, puisque au départ, il s'agit de tirer au boulet sur la Lune. Alors, c'est assez amusant, c'est d'une actualité tout à fait extraordinaire, puisque le projet, c'est celui des artilleurs américains qui veulent prouver aux yeux du monde qu'ils sont les meilleurs artilleurs du monde. Voilà. Donc, pour le prouver, on va tirer au boulet sur la Lune. Voilà. C'est uniquement, au départ, un projet de communication de politique militaire, voilà, ouais. Géopolitique. Et puis, le roman va totalement évoluer, puisque finalement, il y a un Français qui s'appelle Michel Ardan qui va envoyer un télégramme et qui va dire remplacer le boulet par un obus cylindro-conique creux parce que je vais me mettre à l'intérieur et je vais faire le voyage vers la Lune. Et ce projet militaire, de communication militaire, devient un projet poétique extraordinaire. C'est le projet Apollo. Ouais. Avec cette force de Jules Verne qui, tout le long de son roman, évoque les sélénites, les habitants de la Lune, mais finalement ne répond jamais à cette question, contrairement à Méliès, là on entendait dans l'extrait avec les habitants de la Lune où tout est très concret. Lui, il suggère et il laisse planer le mystère. C'est un coup génial de Jules Verne. Ouais. Faut imaginer, on a peine à en avoir conscience, mais à l'époque de Jules Verne, au 19e siècle, la question de la vie extraterrestre est très très très présente dans la littérature, dans la presse, auprès de certains astronomes qui vulgarisent la science, comme Camille Flammarion, qui fait des ouvrages entiers sur les sélénites, les joviens, sur les saturniens, etc. Et cette question de la Lune habitée est naturellement présente. Et Michel Ardan, le héros français qui part donc vers la Lune, il veut vérifier, il est persuadé que la Lune est habitée, mais il va arriver une mésaventure, c'est qu'ils vont rater la Lune. Ils vont rater la Lune, ils ne se posent pas sur la Lune et ils vont se retrouver en orbite autour de notre satellite naturel. Ça résout deux problèmes. Oui. Le premier, c'est un atterrissage un petit peu brutal et surtout un redécollage dont on peut imaginer que Jules Verne aurait eu quelques difficultés pour faire redécoller son obus. Mais ça permet surtout de ne pas avoir à rencontrer les sélénites. Sauf que nos héros sont dans leur capsule à tourner autour de la Lune et à un moment donné, ils vont être du côté de la face cachée. Vous savez qu'il y a deux faces, une face invisible depuis la Terre, inconnue à l'époque de Jules Verne, le lieu de tous les fantasmes. Mmh. Et certains auteurs imaginent que la civilisation sélénite est en réalité du côté de la face cachée pour ne pas être vue depuis le côté terrestre. Donc les héros de Jules Verne passent du côté de cette face cachée. Du coup, ils vont tout voir, ils ont des lunettes, etc. Sauf que manque de chance, et c'est vraiment un manque de peau, au moment où ils survolent la face cachée de la Lune, c'est la pleine Lune. Donc du côté de la face cachée, c'est la nouvelle Lune, si l'on peut dire. C'est-à-dire que la Lune, la face cachée, plongé complètement dans le noir total. Michel Ardan s'arrache les cheveux parce que lui, il voulait vérifier si oui ou non la Lune est habitée. Sauf qu'il y a un moment donné, il y a un bolide qui explose dans l'espace d'une manière assez mystérieuse, qui va donner une espèce de coup de flash pendant un dixième de seconde. Et sous leurs yeux exorbités, ils croient voir peut-être des formes géométriques, peut-être un reflet de lumière. Mais n'auraient-ils pas rêvé? Ils ont probablement rêvé. Et ça, c'est la force de Jules Verne, c'est qu'il laisse notre imaginaire travailler. Est-ce que Jules Verne est encore beaucoup lu aujourd'hui? En tout cas, je pense qu'il va donner, enfin, votre intervention va donner envie aux gens de le relire. Mais est-ce qu'il est encore beaucoup lu aujourd'hui? Alors, il ne faut pas rêver, bien entendu, c'est plus la lecture du 19e siècle, ce n'est plus la lecture de l'entre-deux-guerres ou des années 50 ou 60. Mais Jules Verne est toujours lu, et notamment, je me souviens très très bien lorsqu'il y a eu l'énorme succès de Harry Potter, où maintenant ça commence un petit peu à tarder, mais je me souviens très très bien d'avoir vu des jeunes lecteurs dont on disait à l'époque, oh, les jeunes lecteurs, ils peuvent plus lire plus de 40 pages, c'est impossible. Et puis on les a vus lire des Harry Potter avec des formats de livres absolument incroyables et qui se sont mis à lire des romans des auteurs comme Jules Verne. Donc on a toujours, voilà, un petit noyau de lecteurs qui sont toujours présents. Comment vous l'expliquez ça? Parce que évidemment, Jules Verne, il y a des tas de choses qu'il imaginait, par exemple, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais il imaginait des voyages vers les pôles. Alors évidemment, à l'époque, ça n'avait jamais été fait. Maintenant, ça a été fait. Il imaginait la Lune, ça a été fait. Bon, il y a le centre de la Terre qui n'est pas encore fait, mais tout est aujourd'hui un peu daté. Pourtant, ça fonctionne encore. Oui. Comment vous l'expliquez? Je pense qu'il y a deux raisons. La première, c'est que Jules Verne, qui était un homme de théâtre, a écrit ses romans de telle manière que finalement, ils ont été facilement adaptables au théâtre. D'ailleurs, Jules Verne a adapté lui-même quelques-uns de ses romans au théâtre. Mais il a été aussi tout de suite le premier auteur adapté au cinéma, avec Méliès. L'histoire du cinéma artistique commence avec une adaptation de Jules Verne. Et aujourd'hui encore, on a du Jules Verne adapté. Vous avez 300 films qui sont des adaptations de Jules Verne. Donc Jules Verne est toujours très très présent. En deux secondes, Olivier Sauzereau, s'il y avait un roman de Jules Verne encore assez méconnu, qu'on n'a pas cité et qui mériterait d'être découvert ou redécouvert, ce serait lequel? Allez, Le Sphinx de Dédalus, que j'ai eu la chance de rééditer chez Actes Sud, illustré par Miles Heiman, remarquablement illustré. Et qui emmène donc au pôle. Qui emmène au pôle Sud dans une géographie imaginaire de Jules Verne. Merci à vous, Olivier Sauzereau. Je rappelle le titre de votre livre, Le Monde illustré de Jules Verne aux éditions Actes Sud. On peut aussi découvrir une série de vidéos consacrées à l'ensemble de l'œuvre de Jules Verne. La série s'intitule Jules Verne Saga. On va mettre tout ça en lien sur la page de l'émission sur franceinter.fr. Merci à vous, Olivier Sauzereau. Merci. C'était Alina Orlova avec Vaidu Okliai sur France Inter, le temps d'un bivouac, dont la programmation musicale est signée Djoubaka. Nous sommes sauvés, le monde existe, le soleil brille, et il y a aussi des oiseaux. Ah, la vie est belle, nous verrons tout cela un jour. En avant la musique! Merci à Anne-Cécile Perrin qui a réalisé cette émission. Lundi, nous nous intéresserons au voyage des mots à travers l'espace et le temps avec le lexicologue Jean Pruvot. Excellent week-end et à lundi pour de nouvelles aventures.